Le ministre coréen des Affaires étrangères Lee Yong-ho a envoyé le 23 décembre un message de félicitations à Leonard Chae Okituntu, nommé vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Congo démocratique. Il a exprimé l'intention de collaborer activement pour le développement continu des relations des deux pays qui ont une longue tradition d'amitié et de coopération et souhaité grand succès dans son travail pour le développement des relations extérieures de son pays.